Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-80. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, avant de commencer à parler de la NFL, je sais que tu es proche de Richard Martel, ben, assez proche dans un sens, parce qu'il collaborait à Midi Pile, puis tu as eu l'occasion de parler souvent avec lui. Es-tu que tu es surpris? Non, pas tant que ça. Non, OK. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Puis, écoute, tu sais, Richard, c'est quelqu'un qui, quand son nom est sorti dans les rumeurs comme maire de Saguenay, il y a quelques mois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, t'es-tu politisé, toi? Puis il dit, ben écoute, moi, je lis le journal, puis il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, tu sais. Puis je trouvais que c'était, comme maire de Saguenay, je suis pas sûr que ça aurait été sa place en partant, comme conseiller peut-être. Oui, c'est mais, ça, comme conseiller. C'est ça, sauf que député au fédéral, je me dis pourquoi pas, tu sais, on se cachera pas dans la ligne, les députés au fédéral, ils ont certains rôles, surtout quand tu commences à l'opposition, je pense qu'il y a beaucoup moins de pression que quelqu'un qui va commencer comme député dans l'opposition au fédéral qu'à être maire de Saguenay, tu sais. Ben, s'il voulait faire de la politique, ça aurait été conseillé, je le vois pas du tout, moi, c'est drôle, hein, je le vois pas du tout comme dans un parti politique. Richard Martel, suivre la ligne de parti, de la misère avec ça, moi. Ouais, ben ça Danny, c'est parce que ceux qui connaissent Richard Martel un petit peu, là, c'est pas le gars qui est si loose cannon que ça. Il est pas si, entre gros guillemets, là, il est pas si fou que ça. T'sais, il est pas tout. Tu sais, ce qu'on a vu avec les 16, ce qu'on a vu à l'époque, après les matchs, il y a beaucoup d'émotivité, c'est vrai. Mais l'année passée avec les Marquis, là, il n'y a pas eu de grandes déclarations, il n'y a pas eu de puis dans la vie de tous les jours, là, c'est quelqu'un qui parle, qui il regarde, il observe beaucoup. Il observe beaucoup ce qui se passe. Puis je pense, puis tu sais, veux pas, c'est un rookie en politique. Là. Fait que je pense pas qu'il va arriver et qu'il va dire « Ah, je vais faire ça de même. » Tu sais, je vais te raconter de quoi que tu sais les auditeurs de kick n'ont pas vu. Tu sais, il est arrivé en studio, dans la station, puis il est entouré quand même de plusieurs grosses têtes du Parti conservateur, tu sais. Tu vois qu'il est coaché, là. Il est coaché présentement, là, tu sais. Fait que c'est... Non. Richard Martel, là, il est pas si loose cannon que... C'est pas... moi, je te dirais ça. C'est pas Pierre Falardeau, là. Non, puis quand t'es dans le hockey, il veut pas. C'est avec ça que tu fais de la politique, tu sais. Ouais. Tu sais, comme moi, Danny, le sport, c'est très, très, très politique, là, tu sais. Moi, la seule chose qui me dérange dans la candidature de Richard Martel, c'est certaines réactions que certaines personnes ont, c'est, mais il est dans le sport, que s'il connaît la politique. Comme ça, si je me le fais dire souvent, ça, mais Marc, quand je fais un commentaire politique sur les médias sociaux, le monde dit « reste dans le sport ». Ça me fait tellement rire quand je me fais dire ça, là. Non, moi ça me ment. Veux-tu dire que t'es pas assez intelligent pour connaître d'autres choses? C'est une insulte, hein? Non, il y a un snobisme intellectuel autour de ceux qui évoluent dans le monde du sport. Puis moi, je vais te dire une chose. Quand je suis passé de gars de sport à kick, puis quelques mois plus tard, je suis devenu mon in-man au défunt CKRS, j'ai entendu ce commentaire-là, mais s'il connaît la politique, mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas manqué d'élection, puis je m'intéresse à ça, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu manges la gomme que t'es pas capable de marcher en même temps, tu sais, c'est ça. Ça, ça me dérange énormément, tu sais, je veux dire, c'est pas pire qu'un artiste qui lance en politique. Là. C'est pas pire que ça, là. Mais ça, on accepte ça, c'est correct, c'est bien. Mais je vois pourquoi quelqu'un dans le monde du sport pourrait pas. Tu sais, regarde autour de toi, hein. Regarde les gens en politique, là. Puis faites-moi pas croire que c'est tous des diplômés d'Harvard, là. Pas en tout. Je veux te parler pour moi, là. J'aime autant la politique que le sport. C'est égal. Donc, j'ai quand même. C'est pas parce que j'ai une radio sportive que je suis pas capable de parler de politique. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé pas mal cette semaine avec Simon, avec Phil Desgagnés, avec Gilles Péloquin aussi. Beaucoup de réactions. Je l'ai travaillé pas mal cette semaine. Puis je pense que mes commentaires politiques équivaut à n'importe qui. Hein. Ah oui. Tu sais, il faut pas. On peut aimer plus qu'une chose dans la vie, là, tu sais, là. Puis heureusement, on peut s'intéresser à plus qu'une chose dans la vie aussi. Effectivement. Puis moi, écoute, Marc. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, je suis surpris. Jean Lapierre disait que le candidat local, ça représentait à peu près 5% de l'élection. Puis il disait aussi. Puis moi, c'est un gars que je respectais énormément, Jean Lapierre. Puis il disait aussi que tu sais, un candidat défait aux élections, ça ne vaut pas grand-chose. Mais moi, j'ai l'impression que Richard Martel s'est fait promettre une job au Parti conservateur. Non. Je vais te le dire, ce qui va arriver, là. Ouais. Si Richard Martel termine, bon, parce qu'ils sont pas fous, là. Ils savent que, tu sais, je veux dire, on y va souvent, puis Justin Trudeau est très populaire. Ce qui va arriver, c'est que si Richard Martel termine bon deuxième, là, s'il mange une volée, je pense pas, là, mais s'il termine bon deuxième, là, dans deux ans, il est encore là. C'est ça qui va arriver. Mais moi, ce que j'aime de Richard Martel, dans la candidature de Richard Martel, c'est que c'est loin d'être gagné, c'est conservateur, puis lui, il va avec ses convictions de conservateur. Ouais. Comment il y en a des politiciens gadounes qui ont... Tu sais, tu peux pas être souverainiste de nature puis être pour le Parti libéral. Je sais pas ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, puis, tu sais, il prend le chemin difficile, là. Puis comment qu'un autre politicien qui c'est la job avant tout? Écoute, moi, je suis un conservateur, là. Écoute, t'as une idée, là? Je suis un conservateur qui a voté conservateur aux dernières élections, dans l'élection partielle libérale, alors que tout le monde était pour Richard Hébert ici. Moi, je suis un conservateur de nature, puis je vais voter pour le Parti conservateur. Mais comment qu'un autre monde qui sont pas plus libéral qu'il faut, puis qui vont voter pour le Parti libéral? Non, mais ça, tu sais, moi, je suis très gadoune qui a mis l'élection aussi. Moi, il y a des partis que je voterai jamais pour eux autres, ça, je peux te le confirmer. Mais tu sais, je veux dire, moi, je regarde beaucoup le candidat local, puis je pense que à Chicoutimi, présentement, les deux noms qui sont là pour le Parti libéral, c'est Claude Bouchard, qui n'est pas le coach, là. Claude Bouchard, qui était très proche de Jean Tremblay, Et le grand chum de Simon Tremblay, Marc Pedersen, et lui. Ben c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas gagné pour eux autres. Richard Martel comme Marc Pedersen, ce serait amusant pour les. Pour... Ça serait quelque chose. ça serait très amusant. Hey Marc, on va faire. C'est pas une chronique politique, là. Maintenant, on va parler de la NFL. C'est une passée, on s'est laissé en disant si Marvin Lewis, tu me dis ça, là, est encore coach des Bengals, je remets en question ma partisanerie envers les Bengals. Ah ben, écoute, en fait, si Marvin Lewis est encore coach des Bengals l'an prochain, je suis pas sûr que j'allais faire un voyage. Je demeure partisan des Bengals, je suis pas sûr que je serais allé à Cincinnati voir un match. OK. Mais là, avant dans le rendez-vous, tu me dis, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Coudonc, tu sais-tu ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Premièrement, là, Marvin Lewis, on va dire les vraies choses. Ouais. Avant que ce gars-là arrive à la barre des Bengals, souviens-toi, c'était des Bengals. C'était un excellent coordinateur défensif. C'était une joke. Les Bengals étaient la joke de la Ligue. Ouais. C'était la joke de la Ligue. Et Marvin Lewis, quand il est arrivé à Cincinnati, ça a été... Bon, on a joué pour plus de 500. Ça a été quand même des titres de division... ça a été des participations aux éliminatoires. Tu sais, il a rendu cette équipe-là crédible. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à monter d'équipe, à atteindre un niveau supérieur. Et finalement, il ne sera plus l'an prochain. C'est une bonne nouvelle. Par contre, Mike Brown, Mike Brown là, est allé voir le film Séraphin. Et quand il est sorti du film, il pleurait. Il pleurait. Tu sais pourquoi Mike Brown pleurait quand il a vu le film Séraphin? Il trouvait qu'il gaspillait trop. c'est un gratteux, c'est un cheap, c'est... Il va mettre qui à la place? Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur. Il est-tu prêt? Parce que là, les Bengals, ça marche pas. Les assistants sont dans les plus basses de la ligue. Tu fais quoi rendu là? Qu'est-ce que tu vas faire rendu là? Est-ce qu'il pourrait être un nom intéressant? Un Josh McDaniels, qui a été souvent mentionné, qui est dû pour une deuxième job, une deuxième chance, peut-être un peu trop jeune. Ouais, je sais pas. J'ai pas vu son nom dans les rumeurs encore. Okay. Qu'est-ce qu'on voit comme rumeur? Ben, il y a un fit naturel, mais je pense que ça n'arrivera pas justement pour une question d'argent. Urban Meyer, qui est le coach de Ohio State. Ah non, mais ça, écoute, écoute bien, Ohio State, les entraîneurs à l'université sont aussi. Remarque que ça pourrait être intéressant pour lui, faire le saut, mais j'ai pas vu grand entraîneur de la NCAA avoir du succès dans la NFL, des grands entraîneurs. Ils sont rares, là. À part Jim Harbaugh. Puis lui, Harbaugh avait plus une philosophie de la NFL, il a joué dans la NFL. Tu sais, les Lou Holtz, les Chip Kelly, tu sais ce que je veux dire? Pete Carroll a du succès. Ouais. Effectivement, c'est des mentalités différentes. Puis Urban Meyer, je pense que son salaire est incroyable avec Ohio State. Ah ouais. Puis, tu sais, Ohio State, là. C'est comme, je vais vous donner un exemple complètement farfelu, mais c'est ça. Là. C'est comme si les Saguenay-Chicoutimi étaient plus populaires que les Nordiques et les Canadiens. C'est ça, Ohio State. Là. C'est carrément ça. Joe Guillemette, tu parles d'NCAA. T'as-tu été voir un match à NCAA? Une ou deux fois. Ça semble pas tellement dispendieux, les billets, hein, parce que Dominique Morin de Radio X à Québec a fait un post cette semaine puis qui disait que. Il demandait au monde si Notre-Dame LSU à 30$, c'est un deal. J'espère que c'est un deal, tu sais. Ouais, ça dépend. Tu sais, le problème, c'est l'accessibilité des billets. Bonne chance là, pour avoir un billet. C'est pas, okay. Tu sais, les grosses universités, là, bonne chance. Moi, je vais y aller. C'est mon prochain voyage de sport, c'est l'Université Notre-Dame. Si Rêve Sportif l'organise, là. Ouais. Bon, continuez donc, retourne ton sujet. C'est ça, tu sais. Moi, j'ai vu un match à l'Université de Cincinnati, qui n'est pas une grosse université, mais tu sais, je pense que c'était 20$ l'étiquette. Là, j'étais quand même bien. Mais tu sais, moi, je connais pas les joueurs, tu sais. J'ai pas le temps de m'intéresser au football de la NCAA. Fait que tu sais, j'étais là comme spectateur, c'est tout. Là, mais les Bengals, revenons aux Bengals. Urban Meyer, après ça? J'ai vu le nom justement de Jim Harbaugh. Qui pourrait peut-être faire un retour. Il y a des rumeurs qui pourraient faire un retour dans la NFL. OK. Mais tu sais, c'est pas des gars que tu vas payer. Tu sais, s'ils prennent une solution interne, exemple Darren Simmons, là, je sais pas pourquoi ce nom-là sort, alors que j'en entends jamais parler, je suis fan des Bengals depuis le début de l'année. Il y a Paul Gunter, qui est le coach à défense. Tu sais, moi, je sais pas. De ce que j'entends comme nom à date, là, je peux pas faire. Oui, wow, non, j'ai des. Ouais, est-ce qu'on attend peut-être qu'un gars comme Jay Gruden. Qui pourrait peut-être être congédié à Washington, pourrait s'en aller. Tu sais, il y a le nom de Hugh Jackson. Hey, Hugh Jackson, oui, il a eu du succès avec les Bengals comme coordonnateur offensif. Mais Hugh Jackson, excusez-moi, là, je sais bien qu'il coach les Browns, là. Mais une victoire en deux ans, là, moi, ça m'impressionne pas, là. Tu sais, je veux dire, je veux rien savoir d'avoir ce gars-là avec les Bengals, tu sais. Fait Je sais pas ce qui peut arriver comme coach. Moi, j'ai peur du choix de Mike Brown, autrement dit. C'est ce qui me fait peur, là. OK. Hey, donc, on va surveiller ça de près. Il y a le lundi noir qui va arriver la semaine prochaine. Si on a une chronique la semaine prochaine, j'aurai une question à te demander. Qui tu t'attends qui va partir dans le pas lundi problème. Noir? C'est toujours... je veux te parler d'Andrew Luck. Ouais. Andrew Luck, quand il a été repêché, c'était le futur Peyton Manning. D'ailleurs, on l'a libéré Peyton Manning pour faire une place à Andrew Luck. Et sa carrière, là, ralentit beaucoup, hein, par les blessures, hein? On va dire que les deux carrières du futur, de ce repêchage-là, il y en a un qui est disparu de la map. RG3. Il est plus là. Andrew Luck, c'est épouvantable. Puis je vais te dire une chose. Ouais. Puis ça sera peut-être pas populaire, mon commentaire, mais même avant ses blessures, là. Il plafonnait. Souviens-toi des matchs en série, les revirements, les interceptions. Ouais. Les franchises là, qui réussissent à combler le carrière, tu sais, par un carrière d'élite, puis que tu le remplaces par un carrière d'élite, là. À part les Packers récemment, je pense qu'il n'a pas. Aaron Rodgers était longtemps, il était préparé longtemps derrière Brett Favre. Ouais, trois ans. Trois ans. Fait que je pense pas qu'il y en. Tu sais, c'est dur, là. Et avoir une carrière d'élite, là, c'est dur. Réussir à en coller deux back-to-back, là, c'est impossible ou presque. Fait que tu sais, Andrew Luck, là, oui, les blessures font mal. Moi, je pense que les Colts n'auront pas le choix, peut-être. Peut-être Jacoby Brissett, il fait le travail. Oh, c'est limité, là. Mais c'est là que tu vois quand même que la pénurie, il y a une pénurie de carrière dans la NFL actuellement. Puis c'est là que ça rend encore plus ridicule le fait que Colin Kaepernick n'a pas de poste, là. Il est boycotté. C'est d'un ridicule épouvantable. Il est boycotté. Puis, Danny, tu parles de pénurie de carrière, puis je vais t'amener à un match cette semaine que moi, j'ai bien le goût de regarder, même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le match entre les Jaguars et les 49ers. Ah, j'aime ça, moi. Il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là, là, mais Jimmy Garoppolo, là, excusez-pardon, là, mais tabarouette que ce gars-là lance la balle. Oh! L'attaque est dynamique. Oh! Le ballon avance. Je l'ai mentionné sur les médias cette semaine. Moi, j'ai suivi 49ers depuis que Garoppolo est au corps. Pourquoi? Parce que, écoute, en tant que partisan des Pats, on le connaissait. Là. Puis j'avais hâte de voir quand il allait avoir la chance comme partant dans un nouveau système, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Puis je peux te dire, en fait, il y a de l'espoir à San Francisco. Là. Ah, écoute, avec Kyle Shanahan, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un bon gars d'attaque, là, c'est un bon gars d'attaque. Puis moi, j'ai regardé la deuxième moitié du match, la semaine dernière, justement, puis il y a de gain dessus, Il n'y a pas le choix, parce que avec la ligne à l'attaque qu'il y a, il faut que le ballon sorte rapidement. Écoute, cette transaction-là, là, pourrait être une des meilleures transactions des 5-10 dernières années, là. On a un choix de deuxième ronde, ouais. Ça pourrait être une maudite bonne transaction. Effectivement. Marc Superman, voilà la pause, puis je veux parler des autres matchs. Vous allez écouter la chronique de la NFL avec Marc Diquet sur les ondes de danradiosport.com. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacquelin Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacquelin Doucet, 418-276-6170. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418 Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 29-21 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-58. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670, boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. On est de retour à danazosport.com. Marc, les matchs de la semaine maintenant. Oui, tu as parlé de Jacksonville, San Francisco. C'est un match qui n'a aucun intérêt, mais par contre, il y en a de l'intérêt. Moi, j'ai hâte de voir Garoppolo contre la meilleure défensive, une des meilleures défensives de la NFL. C'est un test pour Garoppolo cette semaine. C'est un test, effectivement. Oui. Un test à la maison quand même. Ça, ouais. L'horaire est bien fait pour lui quand fin. Tu sais, il peut se faire les dents quand même dans un calendrier qui est favorable, je pense qu'on peut le dire comme ça. Là. Mais tu sais, cette semaine, c'est le fun parce qu'il y a des matchs entre des équipes qui ont toujours leur place en série, ouais, ou qui ont des chances mathématiquement, puis qui n'ont pas le droit de perdre. Là. Il y en a quelques-uns cette semaine, puis honnêtement, je pense que c'est ça qu'il faut surveiller. Là. Ben, il y a le match de la fin de semaine, c'est Seattle contre les Cowboys de Dallas, le retour d'Ezekiel Elliott. Écoute, ça, le gagnant est pratiquement éliminé. Et quelle déconfiture de la semaine passée des Seahawks à la maison contre les Rams de Los Angeles. C'est incroyable la déconfiture. Hein? Les Seahawks, ça, je pense qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un gros problème dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui ne s'endurent plus dans cette équipe-là. Je pense que du côté également. De la... Ah ouais, tu sais, puis tu vois à quel point, puis moi j'étais impressionné par l'homme, Russell Wilson. As-tu vu comment il se tient au-dessus de ça, lui, les chicanes internes, puis tu comprends pas, tu sais, il fait son affaire, il travaille sur le terrain, t'sais, moi j'adore Russell Wilson. Tu sais, l'exemple type là, du bon gars, là. Tu sais, du gars d'équipe que tu veux, c'est ça, là, Russell Wilson. Mais il y a des gros égos qui s'affondent dans cette équipe-là, puis c'est, ma foi, très décevant pour eux autres. Mais tu sais, moi d'un autre côté, supposons qu'ils sont pas là, les Seahawks, là. Moi, je suis content d'un sens, tu sais. C'est le fun d'avoir les Rams, là. Écoute, les Rams, puis on dira ce qu'on voudra, puis tu sais, oui, on parle de déconfiture avec raison des Seahawks, mais les Rams, il faut leur donner crédit en mousse. Pas sûr qu'ils voient en éliminatoire au début de l'année. Non. Il n'y a personne. Moi, j'avais mis les Seahawks. Ben, il y a plusieurs équipes qu'on ne voyait pas en éliminatoire, là, soyons honnêtes, là. Mais non, pas tout. Nouvelle-Orléans, on ne les voyait pas là. Minnesota, on les voyait comme meilleur deuxième. C'est eux qui vont l'avantage du terrain. Philadelphie, qui aurait dit que les Eagles allaient avoir pas mal l'avantage du terrain tout le long de la série? Il n'y a pas personne. Non. Non, c'est vraiment une belle saison dans la NFL. L'autre match qu'il faut... Il y a des matchs qui sont importants. Ça va commencer... moi, j'ai Buffalo, Nouvelle-Angleterre, parce que les Bills, c'est intéressant voir les Bills. J'ai hâte de voir... Actuellement, ces séries commençaient demain. Ils sont en éliminatoire. Ça fait depuis 1999 qu'ils n'ont pas fait les séries. Par contre, les Bills jouent deux fois à l'étranger, donc contre les Pats demain. J'ai l'impression que, encore une fois, ça va être difficile pour les Bills de faire les séries, mais au moins, il y a de l'espoir. Tennessee également contre les Rams, ça va être bon aussi. Et aussi Indianapolis, Baltimore en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que dans les conférences américaines, il y a congestion là, pour le meilleur deuxième. Non, il y a congestion. Puis tu sais, les Bills contre les Pats, étrangement, je pense que les Bills peuvent peut-être avoir des chances. Parce que bon, les Pats, je pense pas qu'on va forcer comme des déchaînés dans ce match-là. Quel match vous me passez, hein? Quel match! Tu sais, il y en a qui disent encore que, bon, que les partisans des Pats sont contents. Les partisans ceux qui les haïssent disent encore qu'ils ont été favorisés. Ouais, mais ça, là, les partisans des Steelers, regardez le match en série des Bengals contre les Steelers il y a une couple d'années, là. Ouais. Regardez les corps des arbitres, là. Venez pas pleurer après, si vous pleurez, OK, là. Gardez-vous une petite gêne, là. Les arbitres, là, ça fait partie du jeu, OK? C'est là. Lâchez-moi ça. L'affaire dans ce match-là, c'est que Ben Roethlisberger n'avait pas d'affaire à faire le jeu de cabochon qu'il a fait en fin de match. Ben non, il avait pas d'affaire. Il a le ballon à terre, arrêté le cadran, puis il a voilà. Pour le placement, puis on s'en va en prolongation. Écoute, Danny, toi, dans le fin fond du lac, moi, dans le fin fond du Saguenay, là, on aurait fait ça, on aurait spiké la balle, on aurait... Pourquoi? On partait en prolongation, là, tu sais, pourquoi? Mais moi, je vais te dire, en tant que gars qui déteste les Steelers, j'ai eu un petit feeling agréable quand j'ai vu ce jeu-là, tu sais. Mais effectivement, c'est un spectacle incroyable. Puis pour les partisans des Steelers, dis-vous une chose, là, c'est bien mieux que ça arrive là, que ça arrive en éliminatoire, OK? La pilule, la passe carrée, là, mais au moins, elle va passer. Tandis qu'en éliminatoire, elle n'aurait pas passé la pilule. Mais c'est une grosse victoire, parce que j'ai l'impression que l'avantage du terrain s'est joué là pour tout le long des séries, là. Tom Brady, là, n'ayez pas de doute, s'il vous plaît, là, mesdames, messieurs, là, Tom Brady, il est là, là. Il est le record de l'histoire de la NFL. Ils ont dit avant le match, parce qu'il avait connu deux mauvais matchs de consécutifs, il dit, à 40 ans déjà, à 40 ans, est-ce que ces 40 ans commencent à faire effet? Ben non. On l'a vu. Il va avec les receveurs qui aussi, là, c'est pas évident non plus. Ouais. Hey Marc, m'as-tu souhaité un joyeux Noël? Est-ce qu'on se parle la semaine prochaine? J'ai oublié de demander ça en dehors des ondes. Ben oui, pourquoi pas? C'est dans les fêtes. Soigne ta grippe. Oui. C'est-tu plate un peu avoir une grippe dans le temps des fêtes? Ma chère, je suis sur la fin, comme on dit. Là. C'était cette semaine qu'il y a David Ruland. Faut dire que faire le Père Noël, c'est difficile aussi. Faire le Père Noël... Non, alors, tu penses ça toi aussi, toi. Non, il y a bien du monde qui pense que c'est moi qui faisais le Père Noël à la radio. Non, ça... Ben, je m'occupais de son traîneau pendant ce temps-là, puis c'est là que j'ai pogné ça. OK. Il y a bien du monde qui pense que c'est moi, mais non, c'était le vrai Père Noël qui était là. Bon. Ben, Marc, on se parle la semaine prochaine, même si c'est année fête. Yes, salut, Daniel. Marc Diquet de Radio X 5.